Un des grands thèmes de l'expérience de vie de la personne ou d'une personne, c'est le doute, l'antipode de la certitude. Un des trois aspects de la souffrance qui inclut l'attente, le doute et les conflits relationnels. C'est sûr que quand on parle de doute, on parle inévitablement du jeu de l'âme dans son mouvement de polarisation, donc dans son mouvement de négatif-positif, bien, mal, vrai, faux. Et que conséquemment, l'individu qui est exposé à un doute est nécessairement placé, si on peut dire, dans un champ d'expérience qui peut être aussi long que le doute perdure. En d'autres termes, si vous vous posez la question, est-ce que j'ai le contrôle sur ma vie? Dites-vous que dès que vous vivez du doute, vous êtes sujet à la manipulation de votre environnement. Vous êtes sujet à la manipulation de vos pensées, donc à des atmosphères de réflexion excessivement intensives, et que le doute entraîne des réactions alors que la certitude entraîne l'action. Vous allez me dire, c'est quoi la différence? Ben, c'est simple, c'est que un être qui est réactif cherche à s'échapper d'un mal ou d'une souffrance, cherche à se dégager d'un climat de crise qui est lié justement à l'ambiguïté du fameux doute en question. Bon, est-ce que c'est possible de ne pas douter? Écoutez, je doute sérieusement qu'il soit possible de passer toute une vie sans vivre le doute, parce que le doute fait partie de l'expérience humaine, fait partie des jeux de l'âme. Quand un être vit de l'émotion, il est exposé à de la polarité et conséquemment, il est exposé à vivre du doute. Combien de gens qui ont vécu ce qu'on appelle l'amour, la passion, le désir, et qui se sont vus comme exposés, après un certain temps d'extase, à une retombée dans l'enfer du questionnement et de la réflexion sur la permanence, sur la stabilité de ce fameux état de détachement et de dégagement de la forme par le biais d'un bien-être extraordinaire. On a toujours peur de perdre quelque chose, et la peur de perdre vient du fait qu'on doute de la stabilité, de la capacité de s'enligner sur un futur quelconque qui sera, à ce moment-là, garanti de quelque façon que ce soit. Donc, un être qui vibre de la certitude, c'est un être qui est capable de vivre avec le temps, qui est capable de vivre avec le vide et qui est capable de composer avec des relations qui sont en apparence instables, mais qui, à cause de la certitude d'être lié à une destinée commune avec ces gens, mais l'être qui ne vit pas de doute, donc qui vit de la certitude, se sent comme lié, bon gré mal gré, à des gens qui doivent être dans sa vie. Et qui n'ont pas, qui n'a, lui, personnellement, lui ou elle, peu importe, n'a pas personnellement une ambiguïté sur la permanence de leur relation, comme s'il savait que la relation appartient à un événementiel et non pas appartient à des courants émotifs de l'ego sur le rapport qu'il entretient avec eux. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire qu'on ne peut pas douter quand on sait que c'est un destin. On ne peut pas douter quand on sait que tout est marqué. On ne peut pas douter quand on sait qu'un individu fait partie d'une mise en scène, qu'il est obligé de vivre avec vous ou qu'il est obligé de vivre dans un contexte quelconque. En d'autres termes, on n'a pas à s'inquiéter de l'évolution déjà parce que l'évolution de la personne est déjà liée à une destinée, à un rapport avec l'action d'une certaine façon. Donc, on pourrait dire dans un sens que pour avoir une élimination du doute, pour éliminer, extirper le doute de notre vie, il faut avoir une certaine conscience occulte. Il faut avoir une certaine conscience de comment les forces planifient la vie d'un être humain. Et qu'en dehors de cette, pas croyance, mais de cette espèce de constat qu'on est capable de faire tous les jours, il est impossible de ne pas douter parce que la réflexion, par principe, amène un individu à douter inévitablement. En d'autres termes, il est impossible pour quelqu'un qui réfléchit, qui pense sa vie en jeu, de ne pas être exposé à des confrontations, à des obstacles qui, à un certain moment donné, sont absolument insolubles avec la mémoire dont on dispose et qui, conséquemment, nous obligent à vibrer des expériences, à être plongés dans des cul-de-sac incroyables au niveau psychologique pour en arriver à vivre un lâcher-prise total et intégral qui permet, à ce moment-là, à l'individu de faire le constat que s'il est en vie, c'est parce que c'est un destin et que si ça va mal, ou si c'est aussi une question de destin, parce qu'il doit aller chercher une expérience et aussi une réponse dans cette souffrance. Parce que toute souffrance, toute erreur qui est perçue au niveau de l'ego comme étant une erreur, a la fonction de nous obliger à pousser vers une solution qui ne peut pas venir de l'âme, qui ne peut venir que de l'esprit, et qui conséquemment permet à ou aux individus de faire des prises de conscience. C'est quoi de l'intelligence? C'est cette capacité de lire une vibration et d'être sûr, de l'événement simplement sur la vibration. De me dire c'est un tour de force. Mettez-en que c'est un tour de force. C'est très difficile de pouvoir faire confiance à une vibration. Parce qu'une vibration, ce n'est pas encore un langage. Là. C'est simplement un état d'esprit, un état de conscience qui peut arriver à s'exprimer dans un langage. Donc, vous pouvez avoir un dialogue, une explication. Ça, ce n'est pas tout le monde qui peut avoir ça, mais il y a des gens qui réussissent à avoir des explications, tout ce qu'il y a de plus rationnel sur la condition dans laquelle ils vivent. Mais en général, toute personne, ça inclut tout le monde sur la planète, peut sentir une prise de conscience par vibration, va sentir que telle chose va s'arrêter. T'sais, exemple, une souffrance énorme, une grande souffrance dans la vie, physique ou mentale ou morale ou émotionnelle, va s'arrêter juste par le sentir. Elle va dire « Ah, j'ai souffert beaucoup, mais là, je sens que ça achève. » Sentir que ça achève, ce n'est pas nécessairement rationnel, mais elle sent quelque chose. Donc, c'est une vibration qui semble s'appliquer pour mettre un terme à cette excessive polarité. Donc, ça veut dire que tout le monde connaît son destin. Tout le monde sait, en quelque part, qu'en décrochant du jeu de la réflexion, en décrochant du climat de questionnement dans lequel il est capable d'avoir une réponse à ce qui doit être une décision éventuellement. Et donc, de cette décision découlera un groupe d'événements quelconque qui permettra une construction, un développement, une prise de conscience qui donnera finalement une paix, un calme à la personne qui, à travers toutes ses expériences, lui fera comprendre qu'elle a vécu ça pour se donner une force et une autorité. On pourrait donner la petite phrase célèbre « Tout ce qui ne vous tue pas vous rend plus fort. » Et tout ce qui vous garde dans le dos, tout ce qui vous garde dans le doute vous affaiblit. C'est bon l'affaire du dos, pareil. Tout ce que vous avez sur le dos que vous n'êtes pas capable de voir de face, ça vous affaiblit. Ça vous crée un poids, ça vous crée de limitation. Donc, vous vous sentez limité, vous vous sentez vivre du doute. Vous vous sentez empêché, vous êtes dans le doute. Vous avez une façon de vous exprimer, vous avez une façon de dire les choses qui vous place dans un climat de restriction. Quand on se lit impuissant, on est déjà à 90% dans la merde. Quand on se lit puissant, quand on est dans la merde, on est à 90% sorti de la merde. Il ne reste plus rien que les bottes qui sont pris dans le bout et on peut les laisser là et marcher du pied sur le sol dur. Mais une personne qui se voit dans la merde, qui se lit dans la merde, qui se dit en jeu qu'il n'est rien, qu'il n'est pas bon, qu'il n'est pas ci, qu'il n'est pas ça, ça c'est grave. Ça veut dire que vous êtes sous l'effet d'une possession astrale extrêmement puissante qui réussit à vous faire réfléchir au point que le doute devient votre mode de vie, votre référence absolue. Mais le doute, c'est pas une réponse. Le doute, c'est un questionnement. Le doute, ça prend toute sa vigueur, toutes ses racines à travers un questionnement et non pas à travers des réponses. Vous voulez éliminer le doute? Je vous donne, avant même de finir le CD, je vous donne la réponse. Pour éliminer le doute, il faut simplement affirmer. Affirmer des réponses. Affirmer dans un climat de perception où il n'y a pas de négociable. Même si dans votre affirmation, dans votre réponse, vous êtes dans la forme ou vous êtes dans un contexte qui vous induit en erreur, vous êtes mieux avec une réponse qui met dans l'erreur que d'avoir à attendre la vérité. C'est dur ça pour l'ego, parce que l'ego, lui, va être vrai. D'ailleurs, c'est cette recherche de vérité, c'est cette recherche de vouloir toujours être exact qui vous fait vivre autant de doutes. Parce qu'il y a beaucoup d'expériences qui sont nécessaires dans le mal, dans ce que vous appelez l'erreur, pour faire des prises de conscience qui touchent la capacité de ne pas donner de valeur à la forme. Si vous voulez que la forme soit parfaite, je vous le dis tout de suite, ça ne peut pas exister parce que la forme doit être détruite éventuellement. Donc, pourquoi donner de l'importance à quelque chose qui est temporaire? Pourquoi ne pas donner d'importance à votre individualité, à votre identité, à votre force de caractère qui va vous habiter toute votre vie, donc qui va vous servir d'une façon continue? Alors que la forme, elle, elle est là pour votre expérience, elle est là pour vous servir. Vous ne faites pas des études pour être un champion de littérature ou un champion de médecine. Vous faites des études pour être médecin, pour être écrivain. Donc, pourquoi la forme, c'est important? Pourquoi le livre, c'est important? Pourquoi la dynamique de cette profession serait l'élément qui doit dicter votre vie? Pourquoi pas vous dicter avec un outil et un service ce qui doit être votre vie? C'est changer la façon de voir les choses. Le doute s'insère dans un élément qu'on ne contient pas, qu'on ne contrôle pas. On ne vit pas de doute quand on ne cherche pas à contrôler. La personne qui ne cherche pas à voir l'échéance des choses, mais qui se concentre sur le fait de bien faire ce qu'elle a à faire dans l'immédiat, est donc liée à une action qui n'est pas sous son contrôle, mais qui est en contenance. Alors que l'autre individu, lui, qui cherche exclusivement à se donner une autorité sur les événements, ben, va inévitablement se rendre compte qu'il donne trop d'importance aux résultats, à la forme et à l'appréciation de son environnement et qu'il est continuellement sous la tutelle de gens qui doivent décider à sa place de ce qui doit être le vrai et le faux. Il n'y a pas de liberté là-dedans, donc il y a espace à du doute, donc il y a espace à la réflexion, donc il y a espace à la destruction de son individualité et de son identité. Ça donne quoi comme conséquence? Ça donne que vous êtes collectif. Ça donne que vous êtes obligé de vous lier à d'autres pour vous assurer que vous n'êtes pas responsable de quelque chose. Alors que l'individu qui, lui, est libre du doute, n'a pas une certitude pour les autres. Il a une certitude pour lui-même qui peut bénéficier aux autres. La nuance est grande. Parce que être sûr pour soi, ça n'implique personne d'autre que soi-même. Si l'autre dit, ben c'est pas vrai ce que tu dis, c'est pas son problème parce qu'il n'est pas là pour être vrai pour quelqu'un. Il est là pour vibrer un état de certitude qui est en fonction de son propre expérience. Ça donne une erreur pour l'autre. C'est pas encore là le problème pour la personne parce que c'est pas l'erreur qu'elle regarde, c'est l'expérience qu'elle vit et ce qu'elle apprend. Donc, ce que l'autre évalue comme étant une erreur, c'est pour l'autre, c'est pas pour lui. Donc, une personne qui est capable d'en arriver à se dégager du doute, c'est une personne qui ne vit pas pour les autres, qui vit pour soi-même avec un regard d'une capacité de se développer, de vivre de l'expérience et d'assumer la conséquence de ses actes. Pour beaucoup de gens, être sûr, c'est être sûr d'un résultat. Pour la personne qui a de l'identité, être sûr, c'est être sûr de ce que l'on vibre, ce que l'on sent et où ça mène. Donc, la personne, elle est sûre parce qu'elle sait qu'elle est sûre de s'ajuster. Elle est sûre de pouvoir corriger. Elle est sûre que la vie, ce n'est pas une perfection et que c'est un mouvement de croissance constant. Elle est sûre parce que les autres ne sont pas d'autre chose que des outils pour se développer pour elle-même. Donc, conséquemment, il y a dans sa certitude une autorité et une capacité de faire qui ne vise pas non pas à dominer les gens, mais à être en dominance sur sa propre vie, sur ce qu'elle a de la difficulté à contenir et ce qu'elle veut contenir pour son équilibre et son bien-être. On pourrait se poser la question également où on peut subir des influences pour nous enchaîner au doute. Vous savez, l'intellect et l'émotionnel sont les deux éléments sur lesquels l'individu est exposé à vivre beaucoup de doutes. Quand on parle de l'émotionnel, ben, on parle de cette capacité qu'on a de s'attacher et de l'obligation, dans l'expérience de vie, de connaître un détachement. On pense ici, exemple, tout simplement à des parents qui ont des enfants, qu'ils vivent beaucoup d'attachement, et à un certain moment donné, l'enfant doit se détacher, et ça, le parent vit beaucoup d'inquiétudes, donc beaucoup de doutes sur l'énorme travail qu'il a fait pour permettre à l'enfant de s'asseoir sur une certitude pour combattre dans la vie. Ça donne quoi, ça, en final? Ben, ça fait que on est émotionnellement lié à des gens qu'on veut la meilleure vie possible et on travaille avec eux à je dirais, envelopper une expérience humaine de telle façon à ce que ce soit le moins souffrant possible. Et lorsque cet être a atteint un certain degré de confort, si on peut dire, il doit faire face, bon gré mal gré, à son expérience personnelle de façon complètement individuelle, de façon totalement détachée de tout centre d'influence qui peut ou qui pourrait lui donner une certaine certitude. Il faut qu'il goûte à son propre mouvement, il faut qu'il goûte à son propre calibrage dans son intelligence et il faut évidemment qu'il voie ses propres succès sans aucune forme d'influence extérieure. C'est comme si pour se posséder lui-même, il faut qu'il soit à l'abri de toute forme d'interférence, même positive, à son égard, afin de vraiment se mesurer avec ce que doit être la vie. Bon, on vit du doute parce que en se détachant, on a l'impression de perdre une ressource qui va nous exposer à une crise grave. Si on vit de la certitude, c'est parce qu'on a fait tout ce qui était à faire pour que tout ce qui doit être fait dans les conséquences de nos actes soit un résultat qui, pas qui est sous notre contrôle, mais qui convient harmonieusement à ce qu'on recherche de vivre dans la vie. C'est sûr que on est toutes des gens qui vivent de l'émotion. On est toutes des gens qui vivent à un certain niveau une grande affectivité, une grande sensibilité à l'égard de nos proches. Et c'est sûr que même si nos proches sont détestables, qu'ils ont tous les défauts de la planète, on a quand même à connaître par rapport à cette, je dirais, cette forme de malaise ou de mal-être, on a quand même à vivre un détachement. Qu'on haïsse quelqu'un, qu'on aime quelqu'un, on est attaché à la personne. Qu'on vive du doute à se détacher, c'est lié au fait qu'on se demande qu'est-ce qui va se passer après. Quand on haït quelqu'un puis qu'on dit, bon ben, quand je vais être détaché de cet horrible personnage-là, il me semble que ma vie va être meilleure. Mais on ne sait pas qu'est-ce que c'est notre vie sans cette haine-là. Parce que on se rend compte, à un certain moment donné, qu'il y a des gens dans notre vie qui sont là pour nous faire vivre de la colère, de la rage, de la crise, puis que ça n'a pas nécessairement un mauvais goût en finale, parce que ça nous permet de développer de l'autorité, ça nous permet de développer de la contenance, de la force. Il y a beaucoup d'éléments qui exigent que ça soit négatif dans la vie pour que justement la force que l'on a en soi ressorte. J'ai souvent dit à des gens, vous savez, c'est le mal qui nous rend plus forts et c'est le bien qui nous rend intelligents. Mais un sans l'autre, ça fonctionne pas. Le mal pur, pas d'intelligence, ça devient vraiment difficile pour l'être de se donner un droit d'exister ou un goût à la vie. Il lui faut quand même du bien, donc il lui faut de l'intelligence pour être capable d'opérer la masse négative que peut représenter le combat de la volonté contre la forme, contre la résistance, contre l'obstacle, contre le temps, etc., etc. Donc, le négatif bâtit la volonté, le positif bâtit l'intelligence. La combinaison des deux permet un être qui est capable d'agir, se synchroniser, se syntoniser avec son milieu. Mais dans la période négative, on est confronté à beaucoup d'obstacles, donc à beaucoup de doutes. Avec le bien qui forme l'intelligence, on est quand même confronté pareil avec ce bien à du mal qui exige qu'on soit capable de faire la preuve, qu'on soit capable de descendre dans la forme ce que l'on avance. Et ça, inévitablement, ça nous expose à des grosses transitions au niveau de la vibration. On est, entre guillemets, obligé de faire face à des ambiguïtés énormes, à des crises intérieures énormes. Et ce combat, cette lutte que l'on fait pour arriver à avoir une harmonie et une paix, bien, c'est la conjonction de ce négatif et de ce positif. Donc, la certitude, c'est une intelligence appliquée et supportée par de la volonté, donc de la contenance. Et on se débarrasse de la souffrance du mal en ayant affiché notre autorité, notre volonté, avec l'intelligence et la reconnaissance du geste exact, du verbe exact, du mot exact qui nous permettra de trouver une paix avec notre environnement, avec nous-mêmes quand il est question d'action et de décision qui doivent avoir un impact positif dans notre vie. Est-ce que vous êtes intelligent? Est-ce que vous êtes intelligente? Bravo. Vous l'êtes? Vous avez une certitude? Il n'y a pas de doute là? Vous êtes sûr? Si vous avez un doute d'être intelligent, c'est parce que vous n'avez pas la volonté. Parce que si vous aviez la volonté, vous sauriez que ce qu'il y a de peu intelligent ou de ce qu'il y a un petit peu intelligent, ça a une capacité d'action. Ça a une capacité de se mettre à terme dans un mode de fonctionnement. Et c'est souvent suffisant pour enclencher une autre action dans laquelle on va avoir d'autres obstacles, dans lequel on va être obligé de développer une nouvelle intelligence et sur lequel notre volonté va encore se développer parce qu'on doit faire face au mal, on doit faire face à l'adversité, à la crise. On va être obligé de régler des problèmes de doute. Le doute étant un peu le porte-parole du temps, le porte-parole de ce qui est compliqué dans l'intelligence ou de ce qui apparaît compliqué dans l'expression de l'intelligence. Parce que mal articulé, mal appliqué, parce qu'en fait, mal articulé veut simplement dire mal appliqué. Et on se rend compte que pour en arriver à des rapports avec l'environnement qui soient bien appliqués, il faut absolument que l'on soit capable d'être en contact avec des gens ou avec des personnes qui nous laissent vivre, qui nous laissent vivre le mal, qui nous laissent vivre l'expérience délinquante de l'expression dans la forme, puis dans la forme que ça prenne la forme de nos états d'âme, et non pas la forme qui conjuguée dans une collectivité établit une mode ou un rapport où tout le monde doit convenir à cette façon-là. Le mal passe par la marginalité pour développer cette volonté. Il faut, dans un sens, être capable de sortir des sentiers battus pour développer une autorité. On doit explorer ce que les autres ne veulent pas explorer. On doit explorer quelque chose qui nous est personnel pour savoir si on peut se démarquer dans une société. Et c'est ça qui fait vivre du doute, parce que à un certain moment donné, on a l'impression de déraper, on a l'impression d'être en dehors de quelque chose de vital, c'est-à-dire le support, l'enveloppe d'une collectivité, le support et l'enveloppe d'une famille, l'espèce d'enveloppe qu'on retrouve des fois dans des rapports avec des autres, avec des humains, avec des gens qui doivent saisir très clairement, très nettement ce que l'on est. C'est sûr que si vous êtes dans un rapport avec des gens qui ne comprennent pas ce que vous êtes, c'est qu'à ce moment-là, vous êtes dans un champ d'expérience qui vous est personnel, qui ne se communique pas, qui est effectivement excessivement marginal. Et étant très marginal, il est très, très confronté au mal. Au mal dans le sens de l'incapacité de faire référence dans le temps à un autre point de repère similaire au nôtre. C'est là que l'individu vit une grande solitude. Il a une recherche, une soif d'être en contact avec quelqu'un qui pense ou qui vibre ou qui sent les choses comme soi-même. Et c'est ce qui fait souvent que dans un couple, on se sépare parce que on ne sent pas l'autre nous accompagner dans notre expérience. On sent l'autre vouloir se détacher de ce que l'on vit. On ne le sent plus présent, on ne le sent plus en contact avec nous-mêmes. Possible que deux individus qui vivent ensemble en viennent éventuellement à vouloir regarder tous les deux en même temps leur individualité et que le couple doit sauter, doit s'exprimer différent pour que chacun puisse aller explorer son propre mal, sa propre souffrance, donc son propre doute. Le doute est appuyé sur un mal-être. On vit mal quelque chose et c'est là que s'installe le doute. La certitude, c'est l'harmonie, c'est la paix. Quand on a une certitude, on fait la paix avec soi-même. On fait peut-être quelque chose qui ne convient pas aux autres, mais on est en paix avec soi-même. Le doute, c'est l'enfer. C'est la crise. C'est l'incapacité d'attendre. C'est l'incapacité de ne pas voir le résultat. C'est l'incapacité de ne pas voir dans la forme ce qui doit ou ce qui pourrait se passer. Donc, c'est sûr que quand vous êtes exposé à une crise de doute, vous êtes exposé à une perte d'harmonie et à un mal-être avec votre environnement. Est-ce que c'est chronique le doute? C'est aussi permanent le doute que vous n'êtes pas capable d'engendrer de l'harmonie. Vous allez dire, ouais, mais je doute pas mal, moi, là. Si je suis pas capable d'engendrer de l'harmonie, ça va se passer comment? Écoutez, l'harmonie, c'est pas quelque chose qui se passe avec les autres. Tant mieux si ça peut se passer avec les autres, mais ça part avant tout de soi. Quand on est pris avec le doute, on est pris avec une réflexion. On compare trop. On réfléchit trop. On ne se met pas en état d'action. On est en état de suspension. On est suspendu à une preuve. On attend une preuve. On attend que l'extérieur, l'événement, l'entourage nous confirme ce que l'on sait ou que ce que l'on sent ou ce que l'on veut. Une personne qui vit de certitude est dans une action instantanée, sans réflexion, sans questionnement, et elle passe aux actes. Là, vous avez dit, c'est-tu le bon mouvement? On ne le sait jamais quand on est sûr. Ce qu'on est sûr, c'est qu'on est sûr. On n'est pas sûr du résultat. On est sûr de ce qu'on sent, donc de la vibration dans laquelle on est. Vous allez me dire, oh, ça a des grosses conséquences. Il n'y a pas de conséquences négatives parce que on est en harmonie avec soi-même. Même si c'est un état de destruction qu'on doit affronter, on vit une harmonie avec soi-même. Il y a combien de gens qui s'en vont à la mort dans cet état d'harmonie? Ils sont rendus à une échéance et ils sont sûrs que c'est la bonne chose à vivre, la mort. C'est un cas extrême, mais il y a des situations dans la vie où on peut pas se retourner. On peut pas dire, bon, ben là, j'ai pas le goût, là, ça me tente pas, là. C'est un fait inexorable. C'est un fait de vie qu'on doit affronter, point final. C'est plus possible de se questionner à ce registre-là. Ça devient une fatalité. Bon, ben, de la certitude, c'est une action fatale. Et un doute, c'est une action relative, conditionnelle, mutable, qui peut se changer en tout temps. Une certitude, il y a quelque chose de fixe et de fluide en même temps. C'est fixe parce que c'est ça. C'est fluide parce que ça s'adapte continuellement au mouvement des événements. C'est sûr parce que vous avez la direction, mais c'est fluide parce que la direction ne vous impose pas nécessairement une forme fixe. Donc, vous suivez un courant et vous avez simplement la certitude d'être capable de le suivre, sans savoir exactement quel sera le résultat. Le doute, c'est relatif. C'est que à chaque fois qu'on est exposé à une action, on compare à gauche et à droite, en haut et en bas. On compare avec l'autre qui a fait quelque chose. On compare. Donc, la comparaison installe dans l'être une tension existentielle de mesure, de calcul, d'intellect. Et c'est là que, où l'individu se vit émotionnellement et agit sur le feeling, souvent, pour essayer de neutraliser ce mal-être, il va aller dans l'intellect en se donnant une étude statistique du passé pour essayer de se donner un confort sur le présent et sur l'avenir. Dans certains cas, évidemment, ça donne une certaine certitude, mais pour avoir vécu l'expérience avec bien des gens avec la bourse et en donnant des systèmes qui étaient quand même statistiquement précis, on voit que d'exécuter une certitude statistique, ce n'est pas suffisant pour l'être. C'est comme la statistique est un mur, il y a une dureté, il y a une fatalité, il y a une impossibilité chez l'individu de garder une fluidité, ce que l'esprit donne. Quand vous vivez de la certitude, vous êtes fluide, vous êtes adaptable, il y a une place à l'imprévu. Dans de la statistique, il y a une fatalité du mouvement qui s'explique par telle chose s'est produite pendant 86 fois sur 100 et donc conséquemment, c'est le geste à poser. Et l'individu, à ce moment-là, est confronté avec la fatalité de l'exécution et il n'a plus la capacité de penser dans un sens, mais il a aussi comme l'obligation de s'exécuter dans un autre temps. On va revenir sur un aspect de quel est le libre-arbitre. Je me plais à faire un jeu de mots. Vous vous doutez bien que pour faire face aux doutes, il y a un moyen de s'en sortir. Et ce moyen, c'est l'affirmation et la mise en action de cette affirmation. Il y a une chose que le doute déteste le plus, c'est le mouvement. Vous mettez du doute dans du mouvement, non pas dans de la réaction, dans du mouvement harmonisé, coordonné. Vous vivez une grosse crise de doute et vous allez voir un spectacle de danse où les gens sont super synchronisés. Ou vous allez voir un sport où les gens sont extrêmement professionnels, extrêmement présents et intenses. Et vous allez remarquer que ça a un effet sur votre personne, ça a un effet de vous défaire, de vous dégager de ce climat émotionnel de doute. Pourquoi? Ben, c'est bien simple, c'est que le doute doit absolument vous présenter du désordre pour qu'il puisse exister. Le doute n'habite que le désordre. Vous êtes en ordre, vous avez automatiquement une élimination du doute, d'une vibration de doute, d'un malaise de doute. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que le principal conflit que vous pouvez avoir dans la tête est lié à une capacité de vous laisser atteindre par le désordre. Vous réussissez à vous sortir d'une atmosphère de désordre, une atmosphère de folie même. Vous réussissez à vous sortir de ça et automatiquement vous mettez un terme au doute. Essayez-les, vous allez voir. Placez-vous dans le fait d'un choix, parce que le choix c'est une illusion en passant. Donc placez-vous dans une situation de choix, un choix d'auto, un choix de produit, de consommation quelconque. Placez-vous dans cet état-là Et commencer à dire « je fais ça, je choisis ça ». Et garder l'état d'achat, de consommation d'un produit parmi une vingtaine, mettons, gardez-le en tête pendant une journée. Et si vous n'êtes pas bien avec, changez de produit, mais soyez toujours comme « ouais, je l'achète là, c'est comme ça que je veux ça, avec la couleur, papapapa ». Vous allez à un certain moment donné vibrer un matériel, vous allez vibrer, mettons qu'on parle d'une auto, vous allez vibrer une auto plus qu'une autre. Probablement que vous n'avez même pas besoin de faire le tour d'une vingtaine, deux, trois maximum, et déjà, vous allez sentir la vibration de la certitude. Vous allez sentir qu'il y a des choses que vous rejetez et des choses que vous acceptez. Souvent, ce n'est pas un véhicule qu'on cherche, mais c'est une façon de se transporter. Peut-être que vous allez en venir au fait que ce n'est pas une auto qu'il vous faut, c'est un bicycle à pédales, un vélo. Mais vous allez avoir à chaque fois habité l'expérience émotionnellement et intellectuellement de consommer le produit. Faites pas un exercice intellectuel de survol, parce que ça, c'est des statistiques qui sont faites par d'autres, avec des gens qui n'ont pas nécessairement la volonté d'habiter ce qu'ils ont essayé. Un essayeur d'automobile ne dit pas qu'il voudrait acheter telle auto. Il dit que telle auto a telle statistique, telle consommation, telle puissance, telle ci, telle ça, et que ses impressions personnelles sont telle chose. Vous, à l'intérieur du même véhicule, vous pouvez avoir une appréciation différente, vous pouvez avoir une critique différente. Lui va simplement vous rapporter de ce qu'il croit que dans le marché, les gens devraient ou pas acheter. Avec statistiques à l'appui, ça va de soi. Ça ne donne pas votre vision des choses. Ça donne une vision que lui a reconnue ou perçue et affirmée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous, en tant qu'être, vous avez besoin de saisir votre réalité, vous avez besoin de faire le mouvement pour explorer des désirs qui vous attirent et des formes sur lesquelles vous voulez appartenir, sur lesquelles vous voulez que ça vous appartienne. Et dans un sens, dans toute cette exploration, vous allez saisir ce qui vous est dû, ce qui vous est collé à la peau. Vous allez me dire, oui, mais ce que je veux, j'ai pas les moyens. Bon, disons que vous n'avez pas les moyens. C'est pas une raison pour être en doute. Que vous ayez le doute de ne pas avoir l'argent, d'ailleurs, ça ne peut pas être un doute, c'est un constat, ben, ça ne vous enlève pas le fait que vous êtes sûr que c'est ça que vous voulez ou dans lequel vous êtes en harmonie. S'il y a un véhicule qui vous convient, s'il y a un rapport avec une femme ou un homme qui vous convient, si vous avez une façon de voir les choses qui vous convient, c'est pas parce que vous n'en êtes pas propriétaire que vous n'avez pas découvert la certitude. Je vous l'ai dit, le doute n'aime pas le mouvement. Le mouvement, c'est une occasion pour vous d'explorer votre monde intérieur, votre sensibilité, vos idées, votre concept. Quand vous avez des idées fixes, arrêtez. Allez dans l'inverse, allez regarder dans le monde de celui ou celle qui vous oppose. Allez dans son monde, allez regarder à travers ses yeux, allez vivre un petit peu de sa semaine, de son mois qui crée de l'opposition dans votre tête à vous. Vous allez peut-être découvrir quelque chose. Parce que si la personne a tant d'acharnement à vouloir vous confronter, c'est que peut-être qu'elle vit quelque chose qui n'est pas comme vous, qui est valable. Ça ne veut pas dire que vous, ben, c'est valable, que l'autre, c'est pas valable. Deux expériences contraires peuvent être valables pour un comme pour l'autre. Et ça, c'est une excellente expérience pour se démagnétiser du raisonnement fixe, rigide. Et oubliez pas, une certitude, c'est fixe dans de la mobilité. C'est très, très, très, très fluide. Et cette fluidité-là, c'est tout le secret de sa capacité de s'adaptation, d'adaptation et sa capacité d'harmonisation. Alors que dans le doute, c'est des rigidités qui sont liées à de la polarité. Une vérité contre une autre vérité. Une vérité adverse, du blanc contre du noir, du vrai et du pas vrai, etc., etc. Et puis, dans l'expérience du pas vrai, ben, il y a une exploration. Puis, dans l'expérience du vrai, il y a un autre champ d'exploration. Tout le monde doit y trouver son parti. Tout le monde doit comprendre pour soi sa vie. Vous n'avez pas à comprendre la vie d'un autre selon vos critères à vous. Vous n'avez pas le même karma, vous n'avez pas le même destin, vous n'avez pas la même vision. Donc, vous avez un doute qui vous est propre. Vous avez une certitude qui vous est propre. Vous avez quelque chose en vous qui est personnalisé, qui est custom fit, comme on dit en anglais quand on montre quelque chose. Et puis ça, ça veut dire aussi que vos rapports avec les gens, ça veut pas dire que ça vous oblige à être souple avec les autres. Ça vous oblige strictement à rien. On est simplement dans la compréhension du doute, la compréhension et les solutions à apporter pour quelqu'un qui vit le doute. Fait que si le doute n'aime pas le mouvement, ben, ce qu'il aime, c'est l'excitation puis le désordre. Fait que si l'être est excité au point de vivre un désordre, ça, ça laisse beaucoup de place au doute. Ça lui permet de s'implanter, de s'enraciner dans l'être. Surtout un être qui veut fuir constamment et qui n'est pas capable de supporter l'autorité de l'intelligence. Parce que l'intelligence, c'est extrêmement dominant, c'est précis. Donc, quand c'est précis, c'est dominant. Un être qui n'a pas exploré dans sa vie, qui est encore à l'étape, je dirais presque adolescente, de vivre sa marginalité, même à 60 ans, ben il vit dans cette marginalité-là une recherche constante d'échapper à un public, d'échapper à un environnement, d'échapper au monde en soi. Il ne veut pas vivre d'échanges parce qu'il se sait capable d'erreurs, donc capable d'entraîner du jugement sur sa personne. Et conséquemment, ben ça, c'est comme si ça le plaçait dans un état d'infériorité. Infériorité qu'il mesure par rapport à ce que les autres sont, par rapport à ce que les autres disent de lui. Mais ce n'est pas nécessairement une infériorité qui est réelle ou qui est réaliste. C'est simplement une infériorité qui est basée sur l'impression qu'il a de son environnement vis-à-vis de sa personne. La personne a une petite piscine, c'est suffisant. Elle va voir une piscine olympique, elle revient chez eux et ce n'est plus suffisant. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle a comparé. Ce qui était suffisant est encore suffisant. Pourquoi que tout d'un coup, la piscine olympique qu'il a vue pour un groupe, ça créerait une perturbation dans sa vie? C'est l'impression d'être petit, l'impression qu'il se passe assez grand, l'impression que les gens sont meilleurs que lui ou peuvent faire des choses meilleures que lui avec cet outil-là. C'est là que la problématique s'installe. Si vous êtes capable de vivre pour vous-même et non pas de vivre selon une collectivité et que vous faites beaucoup, beaucoup de mouvements pour vous-même et non pas beaucoup, beaucoup de mouvements pour impressionner les gens, ben vous allez être bien dans votre peau. Mais le beaucoup, beaucoup de mouvements pour donner l'impression d'être habile, professionnel, classe, être capable de donner beaucoup d'impact, beaucoup d'impression de notre environnement, c'est lié à quoi ça? C'est lié à cette recherche de démontrer quelque chose qui n'a pas été intégré. Donc, à penser ou à faire penser qu'on est plus intelligent que notre propre réalité. Bon, il y a beaucoup de gens qui vivent ça. Ils cherchent à accélérer le temps. Pourquoi? Parce qu'ils sont prisonniers du temps. Le doute, je vous l'ai dit, ça fait partie intégrale des origines de la souffrance. La souffrance, c'est pas simple, c'est très simple. C'est du temps, c'est du doute et c'est des conflits relationnels. Vous doutez de vos relations, vous doutez de vous-même. Donc, dans une relation, vous allez inévitablement remettre l'autre en doute. Quelqu'un qui doute pour soi, c'est inévitable qu'il va douter pour les autres. On n'est pas confortable quand on doute. Pourquoi qu'on serait confortable si on doute et qu'on serait tout d'un coup en équilibre avec les autres? On sera en équilibre strictement s'il y en a un dans le lot qui n'a pas de doute, qui a une certitude et qui est capable de la transférer ou de la manifester. Donc, à comprendre que pour éliminer le doute, il faut explorer, essayer des choses, se donner le droit à l'erreur, se donner le droit de comprendre les choses à travers une exploration, qu'on ne peut pas parfaitement faire les choses et que ce qui est parfait est relativement parfait. C'est relatif à ce que les autres, notre environnement, demandent. On peut être plus que parfait et les autres vont nous critiquer. J'ai vu des gens qui étaient tellement précis qu'ils l'étaient rejetés de leur famille. J'ai vu même un jeune homme, qui était génial et sa famille le rejetait justement parce qu'il était plus intelligent que les autres dans la famille. Il y a lieu à se questionner sur ce que c'est la perfection, parce que quand quelqu'un est plus parfait que les autres et qu'on le rejette, c'est que dans le fond, le monde ne veut pas avoir de la perfection. Ils veulent avoir quelque chose qui leur permet, dans leur exploration, de vivre. Bon, tirer avantage d'un problème karmique, parce qu'en fait, c'est un problème karmique. Pour tirer avantage d'un problème karmique, il faut que tu comprennes que, premièrement, c'est une initiation, c'est nécessaire, et puis éventuellement, c'est libérateur. C'est-à-dire que si tu es exposé à un problème, quand tu vas avoir réussi à être neutre, parce qu'en fait, c'est pas, il n'y a rien à régler, c'est simplement de passer à travers, quand tu vas être capable de l'intégrer comme il faut, ben, ta relation avec tous les événements qui reflètent cet état d'âme-là va être neutre. T'sais, être neutre, dans mon cas, exemple, moi avec les chats, ça établit à être neutre avec tout ce qui fait pitié, tout ce qui est vulnérable, tout ce qui peut mourir sur la mauvaise volonté de mon environnement. Comprends-tu? Un autre comme toi, exemple, qui est bien sensible à l'histoire de la finance, c'est de ne pas t'inquiéter de manquer d'argent. T'sais, de toujours savoir que les autres sont là pour te donner ce que tu dois avoir et non pas ce que tu mérites. C'est pas lié au mérite, c'est lié à ce que tu dois avoir. Puis dois avoir, ça peut être juste un verre d'eau et un biscuit pour la journée, là. Tu comprends-tu? C'est pas toi qui décides. C'est eux autres qui décident ce que tu dois avoir. Fait que passer à travers des obstacles d'âme, comme Chantal, son obstacle d'âme, c'est un obstacle relationnel. C'est pas un problème qu'elle a avec son mari, c'est un problème qu'elle a avec le monde. T'sais, elle a un problème relationnel avec le monde. Elle n'est pas capable de rentrer en relation et avoir jusqu'à se donner un job pour se couper du monde. Parce que faire de la bourse, c'était couper. Puis elle nourrit juste la force intellectuelle de sa vie et non pas sa force affective, empathique face aux gens. Fait qu'ils vont y casser les reins en quelque part. Ils vont la forcer à développer de l'empathie avec son environnement. Bon, tout ça, là. Chaque individu a sa bébite, là, a sa bébite dans le sens, a son Waterloo, a son conflit intérieur. Bien, ça, il faut que tu le vois comme une maladie que tu ne peux pas échapper, puis qu'une fois que tu vas l'avoir réglée, elle ne se reproduira plus jamais. Tu ne revivras plus jamais ce conflit intérieur-là. Par contre, le régler, ça peut demander 35, 40 ans, 50 ans, là. Moi, l'affaire de toujours vouloir sauver les gens qui sont défavorisés, puis que c'est un obstacle pour ma vie personnelle. Il y a bien des éléments que j'aurais moins de déséquilibre financier si j'étais à m'occuper de mes bottines. T'sais. Mais à ne pas m'occuper toujours de mes bottines, puis à toujours en vouloir en sauver un, puis en sauver un autre, ben, ça m'a mis dans la marde, parce qu'à aider des faibles, tu t'affaiblis en passant. Donc, la dynamique est que ça m'a aidé à faire mon travail, cette façon de penser-là. Mais en même temps, ça m'a nuit dans mon processus de vie individuelle. Toute votre expérience karmique d'âme qui est à dépasser, ça vous sert en quelque part, là. Tu sais, Chantal, ça y sert à s'isoler puis à trouver des avantages dans l'isolement. Acceptez que pour de l'expérience d'esprit, tu ne peux pas prétendre être sur le contact juste pour avoir de l'information qui est utile pour ta petite vie, là. Ça ne marche pas de même, le contact, là. Le contact, le principe est que quand tu parles, c'est jamais pour toi, dans le jeu. C'est jamais pour le jeu, le contact. C'est toujours pour quelque chose qui est en dehors du jeu. Fait que vous ne pouvez pas avoir le contact si vous n'êtes pas relationnel. Comprends-tu? Si vous n'êtes pas relationnel, vous ne pouvez pas avoir une verticalité qui passe à l'horizontale, juste short. Si ça serait le cas, mettons que ça serait juste pour votre orbite de vie personnelle, ça voudrait dire que l'intensité dans le canal à la verticale n'est pas assez fort. Parce qu'ils ne peuvent pas vous mettre une grosse poussée verticale si vous n'avez pas de l'horizontale. Il vous faut de l'horizontale à la proportion de l'intensité qui vous descend dans le canal. Fait que votre précision, elle va toujours être récupérée par l'intellect si vous êtes short. Si c'est toujours pour vous je. Fait qu'il va y avoir un plafonnement. Vous allez sentir que vous êtes informé, mais vous ne pouvez pas agir dessus. Pourquoi? Parce que c'est trop l'horizontalisation de l'énergie n'est pas assez, d'amplitude. Qui te mettent en situation de crise pour que tu forces dans ton relationnel à stretcher, à allonger, si tu veux, ta dynamique de vie avec ton environnement. Regarde, moi, souvent, je suis obligé de me financer parce que, moi, chez nous, on disait se financer, c'est un signe de faiblesse. Okay? Mon père disait, moi, je n'ai pas de crédit parce que je ne suis pas faible, moi, je suis fort. Ben, c'est donc de voir une compagnie qui n'a pas de. Qui n'a pas au moins deux tiers de sa capitalisation qui n'est pas financée. Par exemple, dans le marché, tu prends Google, il vaut quelques milliards. Pourquoi? Parce qu'ils ont décidé de vendre des actions à du monde. Ils ont partagé leur propriété. Ils se sont gardés la majorité des actions. Puis le reste de la capitalisation, c'est entre les mains des autres. C'est une dette, ça, là. Quand tu as des actions en circulation, tu as une dette envers les actionnaires. C'est comme ça que la société expand. C'est comme ça que les forces travaillent, de toute façon. C'est qu'en te mêlant aux autres et en vivant des conflits avec ton environnement, ben, tu finis que. C'est ça. Fait que vos problèmes servent à quelque chose. Ça a une fonction frustrante pour le contrôle que vous perdez, Mais on n'a pas de contrôle, anyway. Fait que ça fait juste faire voir, vous mettre d'en face que, premièrement, vous n'avez aucun libre-arbitre, que votre réalité, c'est celle que les forces veulent que vous ayez et non pas celle que vous voulez avoir, puis que vos limitations, le fun, c'est de les faire sauter. Fait qu'ils vont vous mettre en situation de crise aussi longtemps que l'avantage de passer à travers la crise ne sera pas arrivé. T'sais? Fait que c'est pour ça que je dis souvent, je dis, étudiez le mal. Faites une étude du mal. Tu sais, quand je dis aux gens, vous perdez à la bourse, étudiez ça, une perte. Parce que dans une perte, il y a une leçon à aller chercher. Il y a une prise de conscience à faire. Il y a un état d'âme qu'il faut que tu contrôles à un moment donné. Là. En tout cas, ce que je veux faire comprendre, c'est que dans une expérience d'âme, à un certain moment donné, on est averti, là, puis si on ne comprend pas là, là, c'est intensifié. C'est comme ça qu'il marche. Ils vont mettre ça là, réellement. Là. Tu peux jamais bien t'en sortir avec eux. Là. Quand il n'y a plus de questions, quand il n'y a plus de questionnements sur quelque chose que tu as réfléchi beaucoup, c'est ça la fin. Tu sais. Mais pas de le contrôle. Ben, tu n'as pas déjà du contrôle. C'est juste qu'il faut que tu le constates. Pars du principe que ta vie, tu as zéro contrôle jusqu'à ta mort. Là, OK? Puis regarde tout ce que tu fais pour l'avoir. Puis ça, c'est toute la souffrance qu'il faut que tu vives. Toute ta souffrance est dans l'affaire de perdre le contrôle que tu n'as pas anyway. Tout le monde qui réfléchit essaye d'avoir une autorité dans sa perception pour être capable de prendre des décisions. Puis 99% des bonnes décisions sont prises sur une pulsion. Une pulsion étant une vibration. Où est-ce que le rationnel vient intervenir là-dedans?